بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، للونج تاع الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé de ses bienfaits et combien ils sont nombreux les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala nous concernant. Faha hiya ayyamu hadha ash-shahr al-mubarak lam yabqa fiha illa yawmayn aw thalath. Fa qabla ayyamin ahalla hilal Ramadan wa nahnu narqubu intihaa'ah wa hakadha hayatuna kulluha. Fal 'umru safahatun tutwa وأيام تمضي وسنوات تنقضي، فإذا أقبل العبد على آخرته ورأى مصيره ومآله ونهايته كانت الدنيا كلها كأنها ساعة واحدة، ساعة من نهار. فإن الله سبحانه وتعالى voici les nobles jours du mois de Ramadan, ils sont passés, il ne reste que quelques jours, deux ou trois jours. Il y a un laps de temps, hier nous attendions le croissant lunaire du mois de Ramadan. Aujourd'hui nous attendons l'apparition du croissant lunaire du mois de Shawwal, et nous attendons la fin du mois de Ramadan. Il en est ainsi de notre vie. La vie, que ce ne sont que des pages qui se plient, ce sont des jours qui passent et des mois qui passent et les années qui se terminent. Et quand la personne arrive à sa fin, il voit sa demeure, où est-ce qu'il va être, c'est comme il est resté dans ce bas monde à laps une heure, ou à laps de temps très court. فَالسَّعِيدُ مَنْ اِسْتَغَلَّ مَوَاسِمَ الْخَيْرَاتِ بِالطَّاعَاتِ وَابْتَعَدَ عن المعاصي والسيئات في هذه الدنيا. Donc, le bienheureux, c'est celui qui profite des nobles saisons dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui s'éloigne de tout ce qui est désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et de tout ce qui est mauvais. ومن قصر فما زال له فيما بقي من الأيام فرصة فقد يمن الله سبحانه وتعالى عليه بليلة يكون فيها من العتقاء ومن أهل الجنة السعداء، وقد يجعله الله سبحانه وتعالى إن حافظ على قيام ما بقي من الليالي ممن يناله الجزاء الأوفى. Celui qui a été négligent, qui a été laxiste, inattentif durant cette noble saison, il reste devant lui encore. Il y a encore devant lui une occasion. C'est quelques jours qui restent. Et peut-être que dedans, il y a l'occasion pour lui dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala le comblera de sa sainte miséricorde s'il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il sera parmi ceux qui vont être sauvés du feu de l'enfer, qui vont être parmi les gens du paradis, les heureux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préservera par l'accomplissement des nuits qui restent. Et peut-être que durant ces nuits qui restent, il touchera la récompense de la nuit du destin. Qui sait ? L'invisible, n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. فهذه الليالي الباقية ومنها ليلة اليوم ليلة 27 والـ29 وآخر ليلة من رمضان، فهذه من أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر. فقد ورد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: فالتمسوها في 29 وفي 27 وفي 25. Et ces dernières nuits qui nous restent du mois de Ramadan, peut-être c'est là où il y a la nuit du destin. Qui sait ? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, il nous reste maintenant la nuit du 27, la nuit du 29 et la dernière nuit de Ramadan. Et ce sont des nuits dans lesquelles il y a l'espoir à qu'il soit la nuit du destin. Il a été rapporté dans les authentiques, le hadith de Ubada, radiallahu anhu arda, où il est dit, il faut rechercher la nuit du destin, la nuit du 29, la nuit du 25 et la nuit du 27, la 9e, la 7e et la 5e. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه في ليلة القدر قال والله إني لأعلمها وأكثر علمي في الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها وهي ليلة 27 رواه الإمام مسلم. أبي بن كعب concernant la nuit du destin, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, il dit, par Allah, je sais quelle nuit c'est. Et à ma grande connaissance, c'est la nuit que nous a ordonné le prophète alayhi salam d'accomplir, qui est la nuit du 27. Ainsi ce noble compagnon y jure. وقت تكون في آخر ليلة. فعن معاوية رضي الله عنه وارضاه قال تمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. رواه ابن خزيمة وصححه الألباني رحمة الله عليه. Et il se peut aussi qu'il soit la dernière nuit du mois de Ramadan. Muawiya رضي الله عنه وارضاه, dans ce qui est rapporté par ابن خزيمة et authentifié par Cheikh Nasser al-Albani رحمة الله عليه, il a dit chercher là durant la dernière mois de Ramadan. Et il n'y a aucun doute que les hommes de science disent que la nuit du destin se déplace. Il se peut qu'il soit dans les nuits impaires comme dans les nuits paires. Hein? فَلِيَحْرِسِ الْإِنسَانِ عَلَىٰ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الْعَافِيَةِ كَمَا أَوْصَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ السَّيِّدَ عَائِشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا أُمُّنَا وَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي. Et donc nous devons tenir à répéter ce dua et ne pas se lasser de ce dua que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à notre mère Aïcha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Allahumma innaka afoun tuhibbu l'afou fa'afou anni. Oh Allah, tu es le grand pardonneur, pardonne-moi. Wa huna amrun akhta aw huma khata'ain يقع فيهما بعض الناس وأنهم يتتبعون علامات ليلة القدر ويصورونها وينشرون ذلك على مواقع التواصل على أن ليلة القدر كانت ليلة كذا وليلة كذا. Il y a des erreurs que certains de la communauté, et même certains qui sont dans la droiture, de par leur ignorance, commettent certaines erreurs. Chaque soir, ils vont suivre les signes de la nuit du destin. Soit ils vont le prendre en vidéo, soit en photo. Hein, ils propagent ça dans les moyens de communication que nous avons. Hein, les Twitter et j'en passe, que la nuit a été tel jour, etc. Mala yani hada? Hada, c'est yadfa'u an-nas ila at-takasul. C'est yadfa'u an-nas ila adami ila tark al-ijtihad fi baqiyati hadhihi al-'ashr al-awakhir. Cela ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va pousser les gens et les motiver à devenir paresseux, à ce qu'ils s'endorment durant le reste du mois, de ce qui reste du mois. Une telle amr, hein, ru'yat laylatul qadr, khalas. Wahada jahlun kabir, wahada qillatu ilm, wa qillatu amalin bil ilm. وعدم نصح لأمة الإسلام وللمسلمين. Et cela, hein, c'est une ignorance. Et c'est un manquement de science et un manquement de la mise en application de la science. Et c'est un manque de sagesse et un manque de conseil pour les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, لو أراد أن يجلي ليلة القدر لجلاها سبحانه وتعالى ولعينها. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu, et si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait voulu, il l'aurait désigné la nuit du destin pour les meilleurs de la communauté. Le messager alayhi salatu wasalam et ses nobles compagnons. فَمَا يَصْنَعُهُ إِخْوَانُنَا مِنْ صُوِرِ الشَّمْسِ وَبَعْضُهُمْ يَزِّمْ وَيَقْسِمْ بِاللَّهِ بِأَنَّهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَكَانَتْ لَيْلَةْ كَدَا وَكَدَا. هذا خفة في العقل. كون الإنسان التمس ورأى علامة ليلة القدر يفرح بهذا. أما أن ينشره بين الناس ويكون سبب لترك لكي يترك الناس العمل والاجتهاد فلا شك أن هذا من الخطأ. إذنك il n'y a aucun doute que le fait de photographier tout ça ou de le prendre en film, hein, c'est un manque dans la raison de la personne. Que la personne a vu ou a observé les signes de la nuit du destin, qu'il soit heureux. Mais de le propager entre les gens, et les motiver, les pousser à devenir paresseux et à délaisser les œuvres, il n'y a aucun doute que ceci est une énorme erreur. Ça, c'est un résumé, hein, des paroles qu'a propagé Cheikh Mohamed Ghalib, hafidhahullah ta'ala, il y a quelques jours. فالواجب على المسلم في ليلة القدر في هذه العشر الأواخر كلها أن يحيي الليلة في الطاعات، في قراءة القرآن، في مدارسة العلم، في الصلاة، في الدعاء، وفي كل الطاعات التي يحبها الله ويرضاها. Mais ce qui nous est demandé en tant que soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de passer cette nuit, ces dernières décades du mois de Ramadan dans l'obéissance à Allah, dans la prière, dans l'invocation, dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agré, dans l'étude de la science, dans la lecture du Coran, et ainsi de suite. وَمِنَ السُّنَنِ وَالطَّاعَاتِ فِي آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ إِخْرَاجُ زَكَاتِ الْفِطْرِ. Et parmi les nobles sunan instauré par notre messager alayhi salatu wassalam, suivi par le noble compagnon d'Allah alayhi, et ceux qui les suivent à la perfection, durant cette dernière décade, vers la fin de cette dernière décade, c'est de donner, de sortir cette aumône qui est zakat au fitr, la zakat de la rupture du jeûne. An Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة والحديث متفق عليه. Selon Abdullah ibn Omar, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, il a dit, le messager d'Allah a instauré l'obligation du zakat al-fitr, sa' min tamr, une mesure, qui selon les matières va varier de 2 kilos jusqu'à 2 kilos et demi. Hein? Là, il a dit sa' min tamr, une mesure de date ou d'orge. Il faut la sortir pour l'esclave, pour l'homme et la femme libre, pour l'homme et la femme, pour le petit, pour le grand, parmi les musulmans. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on s'en acquitte et qu'on la donne aux nécessiteux avant de sortir à la prière du Eid. Ou le hadith, c'est-à-dire, le jour d'Yal Eid, je peux avoir ma... Je sais que la prière d'Yal Eid va être à 7h ou à 7h30 à la mosquée ou à la Moussalla. Et moi, je suis sorti de chez moi à 7h. Et sur mon chemin, il y a les nécessités à qui l'a donné. Ben, je la pose. Et après, j'arrive à Al-Musalla. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر دليل على وجوب زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين طهرة للصائم مما يكدر صومه وينقص ثوابه وطعمة للمساكين في يوم الفرح والسرور وفي هذا الاتصاف بالكرم والمواساة وفي هذا إظهار شكر نعمة الله عز وجل بإتمام الصيام والقيام وفي ما يتيسر من الأعمال الصالحة في شهر رمضان وفي العشر الأواخر منه. Et donc, ce hadith est une preuve qui nous prouve qu'il est obligatoire de sortir zakat al-fitr. Que ce soit pour le petit, pour le grand, pour la femme, pour l'homme, pour l'homme libre, pour l'esclave, parmi les musulmans. Et cette zakat est une purification du jeûneur. Il purifie les grossièretés qu'il a pu dire durant le mois de Ramadan, les futilités qu'il a entendues ou qu'il a prononcées. Il est là pour purifier le jeûneur des mauvais actes qu'il aura fait durant ce mois. Et qui vont diminuer de la valeur des récompenses du jeûne. Et cette zakat al-fitr est une nourriture pour les pauvres durant cette journée de joie qui est la journée du Eid. Et dans cet acte, il y a le fait d'être compassion avec ses frères. Il y a aussi le fait de faire apparaître la reconnaissance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir le jeûne du mois de Ramadan et d'accomplir les prières nocturnes durant ce mois et de faire ce que nous avons pu faire avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala comme acte d'obéissance et comme bonne œuvre durant ce noble mois de Ramadan et durant ces nuits. Wa zakat al-fitr tukhraj min ta'ami الناس المعروف بينهم فيخرج الإنسان ما بين 2 كيلو وربع و 2 كيلو ونصف من أي من قوت البلد اي زكاة الفطر son acquitte avec la nourriture qu'on mange dans notre milieu social entre 2 kilos 250 grammes et 2 kilos 500 grammes de chaque matière et je la donne aux nécessiteux. ونص أهل العلم رحمة الله عليهم أنه يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين في العشر الأواخر من رمضان تخرج زكاة الفطر عند كثير من أهل العلم واستدلوا بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم قال أبو داود رحمه الله سمعت أحمد بن حنبل سئل عن زكاة الفطر قبل الصلاة قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرجها قبل الفطر بيوم أو يومين وهو هذا عمر عبد الله بن عمر هو الذي روى الحديث هذا رواه أبو داود ذكره في مسائل الإمام أحمد للإمام أبي داود صاحب السنن في مسائل الإمام أحمد، وعبد الله بن عمر من رواة حديث الزكاة وفرضيتها. اي أبو داود دي جي أنتوندو الإمام أحمد رحمه الله دير كنت لي ولا انتروجي سور زكاة الفطر افون لابخيير هو لابخيير دو عيد. إلا دي عبد الله بن عمر، et qui c'est Abdullah ibn Omar dans le suivi. Abdullah ibn Omar l'a sorti un jour ou deux jours avant l'Aïd. Un jour ou deux jours avant l'Aïd. Le 28 ou le 29. Hein? Et Abdullah ibn Omar, c'est lui qui rapporte le hadith de l'obligation de Zakat al-Fitr. Et cette version ici, où l'imam Ahmed a été interrogé, il est rapporté par l'imam Abu Daoud rahimahullah dans un recueil qui s'appelle les sujets de Abu Daoud al-Imam Ahmed, c'est-à-dire là où il lui a posé les sujets sur lesquels il lui a posé des questions et il lui a répondu l'imam Ahmed. وَلَا يَجُوزُ بَتَاتًا دَفْعُ الْقِيمَ بَدَلَ الطَّعَامِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَا مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ والظاهرية وكثير من الحنفية كثير من الحنفية كذلك يقولون لا يجوز دفع القيمة بدل الطعام لأنه خلاف المنصوص عليه خلاف الدليل et il n'est pas permis de donner zakat al-fitr de donner la valeur de zakat al-fitr en argent il n'est pas permis hein de substituer l'argent à la nourriture. Et ceci, c'est la plus grande partie des hommes de science, parmi les Malikites, parmi les Shafi'ites, parmi les Hanabila, parmi les Zahiriya, et beaucoup d'hommes de science parmi les Ahnaf. Tous sont sur le fait qu'il n'est pas permis de la donner, de donner l'argent en remplacement à la nourriture. Car, pourquoi? Parce que ceci, est contraire au texte, contraire à la sunna du messager alayhi salatu wassalam, contraire à la révélation. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من إقط أو صاعا من زبيب. قال أبو سعيد رضي الله عنه وارضاه لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أبي سعد عن أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه. Écoute maintenant ceci. Tu saches, quand Allah subhanahu wa ta'ala a instauré l'obligation de suivre les nobles compagnons dans leurs actes, dans leur compréhension, dans leur croyance, dans leur comportement, écoute pourquoi. Dans les authentiques, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu arda a dit à l'époque, c'est-à-dire à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, on sortait zakat al-fitr de la nourriture, c'est-à-dire les mesures qu'il sortait ça, hein, que ce soit de l'orge, ou que ce soit des dattes, ou que ce soit l'iqat, qui est le fromage cessé. Comment on peut faire un fromage cessé? C'est très simple. Maintenant, c'est plus simple avec les congélateurs que vous avez. Tu prends du lbel, tu le mets dans un bol, tu le rentres au congélateur, tu le laisses se congeler, tu le ressors, tu le mets dans un truc pour s'y goûter, l'eau va disparaître et il va rester le fromage. Et à ce moment-là, tu le fais sécher. Et à cette époque, il le faisait sécher pour que plus tard, quand ils n'ont pas de lait, etc., ou ils sont en voyage sur la route, ils cassaient un morceau, ils le mettaient dans de l'eau pour avoir du lait ou du lbain, comme ça. Donc, ils sortaient une mesure de ce fromage séché ou une mesure aussi de raisin sec. Donc, tu vois la variété qu'ils connaissaient à cette époque, ils la sortaient. Maintenant, voici la leçon qu'il faut retenir. Dans les authentiques, Abu Sa'id al-Khudri, il dit, je ne sortirai pas. Je ne sortirai de la zakat que ce que je sortais à l'époque du prophète, alayhi salam. Khalas. C'est qui Abu Saïd al-Khudri? Qui parmi les docteurs de l'école de la raison peut arriver à la cheville ou à la poussière qui tombe des pieds de Abu Saïd al-Khudri? Hein? Qu'on ne vend pas notre raison, qu'on ne délaisse pas le mieux pour le vil, et le sûr pour les choses sur lesquelles il y a du doute. Abadan. ولك أن تتأمل كلام الألباني رحمة الله عليه في هذه القضية عنده كلام نفيس جدا et tu as médité les paroles de Cheikh Nasr dit l'Albani رحمة الله عليه à ce niveau il a des paroles qui sont très fortes قال فحينما يأتي إنسان يقول لا نخرج القيمة هذا أنفع للفقير هذا يخطئ مرتين رحمة الله عليه. Quand une personne arrive et te dit « Non, non, non, on va sortir de l'argent à la place de la nourriture. » Et que le fait de sortir de l'argent est plus bénéfique aux pauvres et aux nécessiteux. Il dit « Rahmatullah alayhi, celui-là, il a commis deux erreurs. Et une est beaucoup plus grave que l'autre. » « Al-marra al-oula, al-khata al-awwal, annahu khalafa an-nass. » والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال. Dit la première erreur, c'est que cette personne s'est opposée au texte. Il est en divergence avec le texte. Et il dit, ce sujet est un sujet d'adoration. Il a dit, c'est la moindre des choses qu'on peut dire à ce niveau-là. Que c'est un acte d'adoration, le fait de la sortir en ونوريتور قال لكن النحية الثانية خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة ما يدري وهو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل. Et la deuxième erreur est beaucoup plus dangereuse, car cela veut dire que le législateur qui a fait les choses à la perfection, qui est le souverain des mondes, quand il a révélé à son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam d'instaurer l'obligation de la zakat al-fitr aux nourritures, il ne sait pas, il ne connaît pas le bien des nécessiteux et des pauvres comme l'a connu ceux qui prétendent la sortir en argent et qui disent que c'est mieux et qu'eux connaissent mieux qu'Allah. Aidan billah. قال ولو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البديل هو البذل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثيابا إيه رحمة الله عليه سيسي l'argent était mieux, il aurait été la base. À la base, Allah, il l'aurait instauré. Et la nourriture va être un substitut dans ces cas-là. Car celui, la personne qui possède l'argent, sait comment gérer cet argent selon les situations et selon ses besoins. S'il a besoin de nourriture, il va acheter de la nourriture. S'il a besoin de boisson, il va acheter la boisson. S'il a besoin de vêtements, il va aller acheter des vêtements. Hein? يقول رحمه الله فَلِمَادَ عَدَلَ الشَّارِعُ أي الله سبحانه وتعالى عن فرض القيمة أو فرض دراهيم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام. Il dit pourquoi maintenant Allah سبحانه وتعالى, le législateur سبحانه وتعالى, a fait qu'il est obligatoire de sortir la nourriture. Il n'a pas fait obligatoire de sortir de l'argent. Et qu'il a fait obligatoire la nourriture. Il a dit, Iden lahu ghaya. ولذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وغيره. Il a dit donc, il y a un but dans ça, dans le fait qu'il a légiféré en nourriture. Il y a un but. C'est pour ça qu'il a limité ce qui a été légiféré en ces catégories de nourriture, hein, qui sont citées dans le hadith. يقول فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع بأن تشريعه أنفع وأفضل للفقير وهذا لو قصده كفر به لكنهم لا يقصدونه. Il dit le fait que certains gens dévient. Ils ne mettent pas en application les textes et ils vont mettre le substitut de ce qui est demandé, c'est-à-dire donner l'argent. Il dit ça, c'est accuser le législateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi il n'a pas perfectionné sa législation. A'oudou billah. Et que ceux qui disent qu'il faut la sortir en argent ont mieux perfectionné la législation et leur option est mieux. A'oudou billah. Et il dit, rahimahullah, si cela leur but était ainsi, ben ils seraient mécréants. Mais ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Ils ne voulaient pas que ça, ce qu'ils ont instauré est mieux que ce que Allah subhanahu wa ta'ala instaurait. Parce que s'ils le voulaient, khlas, ils ont signé leur sortie de l'islam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Fa'ada fima yakhussu zakat al-fitr. أن تخرج قبل صلاة العيد كما يجوز تسليمها للجان المساجد عندكم المختصة بتوزيعها قبل العيد بيوم أو يومين وكون ذلك على سبيل الوكالة. Et donc ce qui nous est demandé c'est que cette zakat, le fitr, on la sort avant la prière de l'Eid. Comme il est permis, nous l'avons vu dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il faisait Abdullah ibn Omar? De la sortir un jour ou deux. Donc, dans ces cas-là, on peut la donner et déléguer l'organisation de notre mosquée et le ramener pour qu'il puisse la distribuer aux pauvres un jour ou deux jours avant l'Eid. Et ça, c'est une forme de délégation, tout simplement. À nous de ramener la nourriture. Et on le dépose. Et eux, ils vont s'occuper de la dispatcher, de la distribuer aux nécessiteux et aux familles qui sont dans la nécessité dans la ville. وَالسُنَّةُ كَمَا مَرَّ إِخْرَاجُهَا تَعَامًا كَمَا كَانَتْ تُخْرَجُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. Et la sunnah, c'est de la sortir en nourriture, comme cela se faisait à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. والسنة كذلك إخراجها من أي طعام يقتات به أهل بلدك ولا يستغني الناس عنه في أي زمان ومكان فالطعام لا يستغنى عنه في أي زمان وفي أي مكان والذي يرفض الطعام لا يكون مسكينا وفقيرا. Et donc la sunna c'est de la sortir en nourriture. La nourriture avec laquelle on se nourrit. On se nourrit dans nos milieux. Celle qui est connue de tout le monde, qui fait partie de la nourriture habituelle. Et la nourriture, tout le monde en a besoin. En tout lieu, en tout temps, les gens ont besoin de nourriture. Et celui qui refuse la nourriture, ben ça veut dire qu'il n'est pas pauvre, qu'il n'est pas dans la nécessité. On peut lui dire, « Barakallahu fik. Tu nous as appris que tu n'es pas dans la nécessité. فلا يجوز عند جماهير أهل العلم إخراجها إخراج قيمتها لأن هذا الأمر تعبدي لله عز وجل. ولله في شرعه حكم قد لا تدركها عقولنا، عقولنا قاصرة قد لا تدرك الحكم التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى هذا التعبد. Et donc, il n'est pas permis de la sortir aux nourritures. Hein? Et en argent. Car c'est un acte d'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait les choses à la perfection. Et s'il a instauré la nourriture, c'est pour un but bien précis. Si nos raisons limitées ne captent pas le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a instauré tel acte, mais il faut qu'on accuse nos raisons et non pas la législation d'Allah Azza wa Jal. هذا إذا خرجتها طعاما وتريد أن تعطي النقود فهذا زيادة الخير، ها؟ لكن لا بد من إخراجها طعاما، وإذا أردت أن تزيد النقود فزيد. Et donc si tu la sors en nourriture et tu veux encore combler les besoins de ce pauvre à qui tu la donnes en lui donnant de l'argent, ça c'est un plus de bien que tu as fait. Mais ton devoir c'est de la sortir d'abord en nourriture. فزكاه الفطر واجبه لقول الصحابي رضي الله عنه وارضاه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر وتخرج عن كل نفس منفوسه يعني عن كل حي من المسلمين رجل رزق بطفل ليلة العيد يخرج عنه زكاة الفطر فهذه صدقة على النفوس وليست على الأموال صاع من طعام وذهب بعض أفاضل العلم تباعا لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه بإخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه إذا بلغ 14 أشهر أي إذا نفخت فيه الروح. Et donc, زكاة الفطر c'est une obligation. Comme il est stipulé dans le hadith rapporté par le noble compagnon que le Rasoul صلى الله عليه وسلم a instauré l'obligation de زكاة الفطر. Et cette زكاة doit être sortie pour chaque âme vivante parmi les musulmans. Un homme, au coucher du soleil, de la nuit du Eid, a eu un enfant. Ben, il sort sa zakat. Parce que c'est une zakat sur l'âme vivante. Donc, ce n'est pas une zakat qui concerne l'argent. C'est une zakat qui concerne les personnes. Certains nobles hommes de science sont d'avis qu'il faut sortir zakat al-fitr concernant le fœtus qui a atteint 4 mois dans le ventre de sa mère. Et cela, ils suivent la voie de Uthman ibn Affan radiallahu anhu arda concernant cet acte. Le fœtus, il a 4 mois, ça veut dire qu'il y a l'âme déjà dedans. L'ange a déjà soufflé son âme. Donc, ils disent il faut sortir la zakat. وبعد كل هذه الأدلة الواضحة والصريحة من سنة المصطفى وفعل الصحابة رضوان الله عليهم يأتيك هؤلاء العقلانيون بما يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وبما يخالف فعل الصحابة رضوان الله عليهم. Et après ces preuves claires, il te fait face certains de l'école de la raison qui mettent leur raison avant les textes, avec des suppositions et des dissertations qui sont en divergence avec les textes et avec la sunna du messager alayhi salam et les actes des nobles compagnons de Allah alayhi. يقول لك الفقير اليوم يحتاج إلى مال. فنقول الأمر ليس إلينا والأمر لم يوكل إلى عقولنا وأهوائنا، وطبعا لا مانع من مساعدة الفقراء والمساكين بالمال وبالملابس وغيرها، ولكن هذا أمر آخر، وهذا غير زكاة الفطر المطلوبة منا والواجبة علينا. L'autre il vient et te dit mais les pauvres aujourd'hui ont besoin d'argent. Mais la situation n'appartient pas à notre raison. Notre raison ne doit pas s'immiscer là où il ne faut pas. Et la situation ne dépend pas de nos passions et de nos désirs. Il n'y a aucun doute qu'il faut aider les pauvres avec de l'argent, avec des vêtements, avec autre. Mais ici, la situation, c'est un acte d'adoration. Zakat al-Fitr doit être donné comme il a été demandé et légiféré. Et si on veut les aider avec les vêtements et l'argent, ça c'est une autre aux portes du bien. فمصيبة فتح هذا الباب أن الدين سيتغير، ولعل قائلا يقول أنت تعطي الطعام وتعطي الأرز وتعطي العدس وتعطي الفول والحمص لهذا الفقير وأنا كذلك والأخ ذلك، فيصبح عند هذا الفقير مخزن للأرز وللأطعمة، أعطيه نقودا هذا أفضل. لا أبدا أخ الإسلام، صدقة الفطر تخرج طعاما ولا نبالي بهؤلاء العقلانيين. علينا أن نطبق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وسنة الصحب الكرام رضوان الله عليهم، فهذه عبادة. وإذا زاد مع الإنسان مالا فهذا فإذا زاد الإنسان معها مالا فهو حر، ولكن العبادة يجب أن تؤدى كما شرعت. Donc, zakat al-fitr doit être sorti en nourriture. Et on n'a pas à prêter attention à cette école de la raison. Il est de notre devoir de mettre en application la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et les actes qu'accomplissaient les nobles compagnons de Allah alayhim. Car ceci est un acte d'adoration. Ici, à côté de l'acte d'adoration, on l'a ramené comme il se doit et on met de l'argent ou autre, il n'y a pas de mal. Mais cette adoration doit être accomplie comme il a été instauré. وَيَأْتِيكَ عَقْلَانِ وَيَقُولْ لَكَ فِي عِيدِ الْأَضْحَى أَنْتَ تَتَصَدَّقْ بِبَعْضِ لَحْمٍ بِبَعْضِ لَحْمِ أُضْحِيَتِكَ وَأَنَا وَالْآخَرَ لماذا لا نجعل ثمنها للفقراء والمضطهدين عبر العالم الإسلامي؟ فيقال لهؤلاء أتريدونها أضحية أم صدقة؟ ماذا تريدون؟ أضحية أم صدقة؟ فإذا أخرجتم المال فإنها لا تعتبر أضحية، إنما هي صدقة. فالأضحية لا تحصل فالأضحية لا تحصل إلا بإنهار الدم لله عز وجل، فهذه عبادة ولا تتحقق إلا بشرطيها ككل العبادات الإخلاص والمتابعة. Et t'arrive aussi, et leur diarrhée mentale ne s'arrête pas. Arrive la fête du sacrifice. Nous avons des difficultés à égorger dans ce pays, etc. Et même quand on égorge, toi, tu vas donner de la viande au pauvre qui n'a pas égorgé. Moi, je vais lui donner, etc. Pourquoi on ne fait pas de l'argent du sacrifice une caisse et on la donne aux opprimés à travers le monde musulman et aux nécessiteux? La réponse est simple à faire à cela. Vous voulez accomplir le sacrifice ou vous voulez donner une charité? Quand vous donnez l'argent, Ce n'est pas un sacrifice. Car ça se devient une charité. Et ce n'est plus un acte d'adoration, sacrifice. Et le sacrifice s'accomplit avec le fait de couler le sang pour Allah, subhanahu wa ta'ala, dans les espèces, en égorgeant les espèces demandées par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une adoration qui ne s'accomplit qu'avec ces deux conditions, comme toute forme d'adoration, la sincérité et le suivi. Et il arrive aussi, quand il y a eu tellement la pression sur les bergers ici, en France, hein, et les restrictions pour égorger, etc., ou une année, cette école de la raison est sortie, elle dit, bon, alors, on va boycotter les sacrifices. Un an ou deux ans. Et, pour que les bergers nous soutiennent et qu'on puisse avoir le dessus pour pouvoir égorger. Subhanallah. Depuis quand le boycott fait partie de la sunna du messager alayhi sallam ou de la religion d'Allah azza wa jalla? T'arrives pas à accomplir les emblèmes de ta religion, tu fais ta hijra. Tu n'as pas le droit de rester dans un pays dans lequel tu ne peux pas accomplir les emblèmes de ta religion. Tu ne peux pas les faire prévaloir et les montrer. Hein? Raha. Faire prévaloir et montrer avec la tête haute là, les emblèmes de la religion, c'est pas tout simplement construire des mosquées. Hein? ولك أن تتأمل في هذه المصيبة التي أوقعت فيها هذه المدرسة العقلانية المسلمين في أوروبا. كم من المسلمين يدفعون اليوم 5 أورو أو 7 أورو أو لزكاة الفطر؟ زعموا أنها لفلسطين، وفي الحقيقة اللجنة المكلفة بها لا تستلمها إلا بعد مرور العيد. كم من صندوق لزكاة الفطر يبقى في المسجد الذي وضع فيه أسبوع أو أسبوعين أو شهر بعد مضي صلاة الفطر، صلاة العيد. وكثير من أموال هذه الزكوات زكاة الفطر تصرف على إفطار الصائمين في فلسطين وغيرها، وهذه طبعا أموال السنة الماضية أو السنة التي قبلها أو السنة التي قبلها، وهذا بشهادة من عمل معهم وكان يدخل الحسابات ويسوي لهم الحسابات في عاصمة سويسرا. Combien maintenant de musulmans se font avoir avec cette facilité que l'école de la raison leur a ouverte en donnant 5 euros ou 7 euros pour zakat al-fitr ou plus ou moins, soi-disant pour les nécessiteurs à travers le monde ou là pour la Palestine, etc. Combien de fois les caisses de cette zakat déposées par ce genre d'organisation est devant? Et les gens mettent la zakat dedans. Et des fois, au début du mois de Ramadan, tu vois, la lettre qui est la circulaire de cette année, il y a marqué qu'ils peuvent la sortir. Déjà, au début du mois de Ramadan, on leur demande de mettre 7 euros. Par virement, par comme, hein. Et des fois, les caisses qu'il y a, les gens viennent à la salade et ils mettent l'argent. Et hein. Une semaine après, un mois après, ceux qui ramassent les caisses ne sont pas passés. Alors que zakat al-fitr doit être donné avant de faire la prière. Hein? Et donc, et beaucoup parmi cet argent, dit zakat al-fitr, est dépensé dans ce qu'on appelle les paquets repas pour la rupture des jeûnes en Palestine et ailleurs. Et ça, souvent, naturellement, ça c'est quoi? C'est l'argent de l'année d'avant, de l'année, deux ans avant, trois années avant. Et ceci, je le tiens de personnes dignes, dont la femme a travaillé dans le building, de l'organisation, d'une des organisations de la charité de, qui dépend des frères musulmans, là-bas, à, dans la capitale de Suisse, à Genève. Et quand cette sœur a travaillé, il a refait les comptes sur 5-6 ans de Zakat al-Fitr. Hein? Comment tu peux faire confiance à ces gens-là? On t'induit en erreur, on t'ouvre la porte d'être en divergence avec la Sunna. Wa qara'tu risalatan qabla 20 aaman. Ahad ikhwanna atanaqa al-islam وما كان يدري فوجد ورقة في المسجد فجعل فيها كذا ودفع زكاة الفطر. ذلك الوقت كانت بالفرنك الفرنسي. فالعام المقبل، العام الذي بعده، وصلته رسالة، وفي الرسالة قرأتها: زكاة الفطر العام الماضي دفع بها كذا وكذا من علبة إفطار الصائمين. ألي هذا جعلت زكاة الفطر؟ إفطار الصائمين؟ ها؟ إيه؟ J'ai lu une lettre qui a été adressée à un de nos frères convertis au Nord il y a plus de 20 ans. Quand il s'est converti, il a trouvé un papier d'une organisation des frères musulmans pour qu'il ramasse la zakat. Il a rempli et il a donné le vermont pour sa zakat al-fitr. Ramadan d'après, une année après, il a reçu une lettre dans laquelle il détaillait ce qu'ils ont fait avec Zakat al-Fitr. Hein, qu'ils ont nourri tant de jeunes, ils ont distribué tant de paquets de rupture de jeûne dont ils payaient en Palestine et par-ci et par-là. C'est pour ça qu'a été fait Zakat al-Fitr. Ça, je l'ai lu de mes propres yeux et caché par cette organisation. Fadi laissa sifato. العبادة لكن زكاة الفطر هي زكاة الفطر لا بد أن نخرجها كما أراد الله لكن من أخذ له الغراب ذليلا مر به على جيف الكلاب زكاة الفطر doit être sortie en nourriture on ne doit pas changer la religion de الله عز وجل c'est une adoration mais qu'est-ce que tu veux celui qui a pris comme guide le corbeau Il le passera sur le cadavre des chiens. وليس لنا أن نغير دين الله عز وجل. ولسنا ضد إغاثة إخواننا المسلمين المتواضعين في كل مكان. Et nous n'avons pas à changer la religion d'Allah عز وجل. Ils ne sont pas contre le fait d'aider nos frères opprimés à travers le monde et nos frères nécessités en Palestine ou ailleurs. وتسمع من خريج هذه المدرسة العقلية ماذا سيفعل الفقير بهذا الطعام وهذا كله لأن هذه سنة المصطفى ولا ننسى أن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس بترك الخير وموافقة الشرع في مسائل العبادات التي صحت فيها النصوص أما البدع فلا يأتي الشيطان ينهى الناس عنها أبدا إنما يزينها ويزخرفها لهم الشيطان لا يصد الناس عن البدع أبدا ولا يصدهم عن الشر وعن مخالفة الشر أبدا مخالفة الشرع يشجعهم على مخالفة الشرع وعلى الشر دونك Et tu entends toujours dans ces poussins de l'école de la raison, que va faire le pauvre avec tant de toute cette nourriture qu'on va lui donner? Mais ceci tout simplement parce que ça c'est la sunna du messager alayhi salam que nous devons accomplir. Et l'école de la raison, il y a certaines choses de la sunna, ça ne rentre pas dans leur tête. Parce que, la sunna, tout ce qui n'est pas capté par la raison, point d'interrogation. C'est pour ça que certains nombres de sciences disent que cette école de la raison, au lieu qu'ils disent « j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah », ils doivent dire « j'atteste que Mohammed et son messager, alayhi salam, doivent dire « j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que ma raison, c'est le messager d'Allah ». L'ayadan billah. Parce qu'à mettre les textes avant la parole du messager, alayhi salam, avant les actes du messager, alayhi salam, où on va? Mais shayatin al-jinn insuffle ou shayatin humain le délaissement du bien et les détourne de la voie qui concorde avec la législation dans les adorations. Quant aux innovations, Shayatin ne vient pas interdire aux gens les innovations. Il les encourage. Il leur embellit. Qui est mieux que vous? Hein? Shaytan ne détourne pas les gens des innovations. Abadan. Shaytan ne vient pas détourner des gens de la débauche et du mal et de la corruption. Abadan. Il les encourage. فأكرر أنه لا مانع من إعانة الفقراء ومساعدة المضطهدين من إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها ولكن زكاة الفطر عبادة يجب أن تؤدى كما شرعها رب العزة سبحانه وتعالى. إي ولله في شرعه حكم. Je répète encore une fois, il y a aucun mal dans le fait d'aider nos frères nécessiteux et les pauvres et ceux qui sont opprimés à travers le monde musulman à l'est et à l'ouest de la planète. Mais zakat al-fitr est un acte d'adoration. Et nous devons nous acquitter de cet acte d'adoration comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré, comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala et comme l'a instauré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et comme l'a accompli le noble compagnon radhiyallahu anhu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait sa législation à la perfection. Et tout ce qu'il a instauré, c'est pour des buts et des objectifs bien précis. وَبَعْضُهُمْ عَلِمَ مَا فِي شَرْعِ اللَّهِ مِنْ حِكَمْ حِينَ رَأَى بَعْضُ مَنْ دَفَعَ لَهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ نَقْدًا يَشْتَرُونَ بِهَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ سَجَائِرِ وَغَيْرِهَا. Certains se sont rendus compte de leurs propres yeux, une fois qu'ils ont donné cette zakat peut-être en argent, vu que celui à qui il l'a donné s'est dirigé vers un bureau de tabac, il a pris un paquet de clopes, hein, et d'autres ont pris quelque chose de pire avec. وإذا أراد المسلم إخراج زكاة ماله في رمضان فلا مانع من ذلك. أما زكاة الفطر فلا تكون إلا طعام وهي زكاة زكاة فطر وتلك زكاة لكن تلك زكاة المال وهذه زكاة فطر تلك زكاة على النفوس وهذه على الأموال وشرعت الزكاة على النفوس طعاما ولا يمكن قياس زكاة الفطر على زكاة المال أبدا فالمسألة ليست رأيا ها فالعقل لا دخل له في هذا علي رضي الله عنه وارضاه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه فالدين ليس بالآراء ولا يتبع العقول أبدا. En Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, si le musulman veut s'acquitter de la zakat, de sa fortune durant le mois de Ramadan, c'est un grand bien. Il n'y a aucun mal là-dedans. Rien ne lui est interdit. Mais zakat al-fitr ne peut être sorti qu'en retour. Car la zakat de la fortune, c'est une chose. Et zakat al-fitr, c'est pour purifier le jeûneur. Il doit être sorti en nourriture. Et il est pour... On la sort pour chaque personne vivante. Alors que la zakat de la fortune, il concerne l'argent ou le bien de la personne. Et il n'y a aucune comparaison entre les deux. On ne doit pas faire l'analogie de zakat au fitr sur la zakat de la fortune. Abadan. Car la situation, il n'y a pas de place à l'opinion ni à la raison dans cette situation. Et la situation, comme a dit Ali radiallahu anhu, si la religion dépendait de la raison et des opinions des gens, ben, il aurait fallu essuyer le bas des soquettes. Quand on fait le dos, on essuie le haut des soquettes. Ben, si la religion était basée sur la raison, ben, ce qu'il faut essuyer, c'est le bas. Parce que c'est le bas qui a rapport avec la terre, et non pas le haut. Mais la religion, ce n'est pas la raison. La religion, ce n'est pas la raison. Ce n'est pas les opinions des personnes. La raison, c'est un suivi. C'est un suivi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.